Pourquoi pas toi, dans mon sillage, tes fleurs de rêve, dans nos bagages. Et puis la force de la tendresse, de s'aimer tant, dans ce nouveau matin, près des soleils levants. Je veux être ta chambre si tu le veux, ta délivrance si je le peux. Par mes mots, ouvrir les coffres forts du silence, ces portes cachées qui recèlent tous les trésors de l'enfant. Guérir de cette blessure, de la laiteur de l'âme, malgré cette tristesse, aucun si divinement profond qui demeure en nous et fait de nous un même flot. Pourquoi souffrir encore quand nous ne sentons plus les fers à nos chevilles? Approche chagrin.